21-25, observation, savoir et infinitif. Il faut savoir compter. Est-ce que vous savez faire une addition? Est-ce qu'il sait programmer un ordinateur? Est-ce que tu sais fabriquer des explosifs? Le verbe savoir plus l'infinitif est utilisé pour parler de compétences.